maison, qui d'ailleurs lui reste coincée dedans. Elle avait grandi arrosée par l'argent, on peut se dire chez ce genre de gens. Elle s'appelait Fait d'hiver, une fleur fanée en plein hiver, mais elle est dans son plus dur que la chair. Tu sais, ici on aime que la terre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Elle avait les manières du grand monde, devant sa télé fait le tour du monde, mais son univers était un petit monde où se battaient tous les chagrins du monde. Elle causait plus à ses parents, non, depuis une sombre histoire d'amant. Son père gueulait à sa mère, tu mens, pendant que se cognait fort elle criait maman. Elle s'appelait Félibert, Dieu que cette fille est solitaire. Mais elle en sont plus dures que la chair. Tu sais, ici on n'aime que la terre. Comprenait pas vraiment qu'ils avaient tué cet enfant au fond de enterré depuis longtemps. Tu es enfant, tu es l'enfant, tu es l'enfant qu'on a dedans. C'est ça l'auto-avortement, reste le monde perdu comme avant. Dans le ventre de ta maman, elle s'appelait Félibert, cette gamine-là m'était chère. Mais les dents sont plus dures que la chair. Tu sais, ici on n'aime que la pierre. Oh, oh, oh, oh, oh, sauve-toi l'oiseau. Oh, sauve-toi.